Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce journal du 26 juin dont voici les principales articulations. Deux enseignants de l'école fondamentale Bouguera en commune Ndava de la province Mwaro sont morts fusillés par des gens non encore identifiés dans la nuit de ce samedi. Un membre du parti MSD en commune Mwanda de la province Bubanza a été enlevé il y a 3 semaines, une annonce faite par un parlementaire indépendant élu dans cette province qui indique en outre qu'une liste de 28 personnes à kidnapper serait déjà établie et la police dit ne pas avoir de rapport sur ces enlèvements. L'association burundaise des consommateurs à Bouko dit être étonnée de la dernière hausse du prix de l'essence. Pierre Ndouaye estime que le prix du ticket de transport et celui des marchandises ne devraient pas monter dans les mêmes proportions. Le compte du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi ont été débloqués par la mesure du procureur de la République de ce 23 juin. Le président de ce syndicat dit avoir bien accueilli cette mesure et plaide en faveur du déblocage des comptes d'autres associations. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par Albert Ndouayo. À la présentation, Mireille Kanyange, bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, page sécurité pour débuter ce journal. Deux enseignants de l'école fondamentale Bouguera en commune Ndava de la province Mwaro sont morts fusillés dans cette nuit par des gens non encore identifiés. Les sources provenant de cette colline indiquent que ces enseignants ont été tués alors qu'ils rentraient chez eux en provenance du chef-lieu de la province Mwaro. Et cela est confirmé par l'administrateur de la commune Ndava. Mais les malfaiteurs ne sont pas encore retrouvés. Les détails avec Laurent Ndikuriyo. Ces deux enseignants de l'école fondamentale Bouguera en commune Ndava, en province Mwaro, qui ont été tués par balle cette nuit de samedi à dimanche, sont Venant Hakizimana et Melchior Nakarutimana. Selon les sources provenant de la colline Bouguera et confirmées par l'administrateur de la commune Ndava, Aloïse Ndenzako, ces deux enseignants étaient le soir de ce samedi en route au retour du chef-lieu de la province Mwaro, où ils suivaient une formation de mise à niveau. Arrivés à environ 10 km du chef-lieu de la province Mwaro, ils sont passés chez un certain Gapécha de la colline Bouguera pour prendre une bouteille. L'administrateur communal d'Ondava dit qu'ils ont laissé dans cette famille un vélo qu'ils avaient et ont continué leur chemin à pied vers minuit. Arrivés au niveau de cette route reliant le chef-lieu de la province Mwaro et le centre de Bouguera sur le massif de Gihinga, ces deux enseignants étaient fusillés par un groupe de malfaiteurs et ils sont morts sur le champ. Leurs corps ont été retrouvés dans la matinée de ce dimanche, l'un dans la route, l'autre dans un voisinage proche, précise toujours l'administrateur de la commune Ndava. Les informations provenant de la colline Bouguera indiquent que ces malfaiteurs ont volé les téléphones que possédaient ces enseignants, ainsi qu'une somme d'argent non encore connue qu'ils avaient en poche. L'administrateur communal de Ndava, Denzako Aloïse, indique que les enquêtes sont en cours pour identifier ces malfaiteurs. Signalons qu'il y a un mois, un autre groupe de malfaiteurs armés avait tué 2 personnes, un OPJ et un veilleur à permanence du parti de DFDD au chef-lieu de la zone Ndava, dans la même commune de Ndava. Soumouaro, Laurent Ducurio, Radio Sanganiro. Et de la province Mwaro, rendons-nous en province Bubanza pour parler de ce membre du parti MSD qui a été enlevé il y a 3 semaines. Et sa famille dit ne pas avoir de nouvelles. Cela a été révélé par un député indépendant élu dans cette province. Au cours de l'émission Mosaïque de ce samedi, Fabien Banchiganino a également parlé d'une liste de 28 personnes qui peuvent être enlevées à tout moment. Suivez le député Fabien Banchiganino. Je parlais d'un cas par exemple. En commune Mpanda, le 8 juin de ce mois, un certain Sougouavou André a été enlevé par un véhicule à bord des policiers, un véhicule filmé. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a même pas un chef de secteur, le chef de zone, le gouverneur, le chef de poste, qui parle qu'il y a au moins un écho où se trouve ce monsieur. Ça fait bientôt 3 semaines. C'est vraiment très grave. À côté de cela, on parle d'une liste de 28 personnes qui seront un jour ou l'autre aussi enlevées. On va d'abord enlever 8. Un est déjà enlevé. Il y a 8 prioritaires à enlever. Oui, il y a 8 prioritaires à enlever immédiatement. On ne sait pas quand. Pour le moment, j'ai dénoncé ça dans une réunion de sécurité du 14 qui s'est tenue en Panda devant le gouverneur, le procureur, le commissaire de police et même d'autres chefs de service. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Je me signale qu'il y a un groupe de malfaiteurs qui travaillent comme une police. Je me demande une réunion de la population de 2 secteurs qui cohabitent le centre de Moussaigne. Le secteur de Moussaigne, où a été enlevé le produit MSD, et le centre Gifugwe, où réside cette bande qui fait tout ce qu'ils veulent. le 3 juin, toute la population de Mpanda s'est engagée à arrêter ce groupe, mais n'a pas pu. Et maintenant, c'est fini, on n'en parle plus. Et le porte-parole de la police nationale affirme que cette dernière est à l'œuvre pour combattre ce phénomène de kidnapping. Apiang Wuriki appelle les institutions habilitées à prendre en considération les révélations de l'honorable Fabien Wanchiganino sur des groupes de malfaiteurs pour faire respecter la loi. Suivez le porte-parole de la police nationale. Il était également l'invité de l'émission Mosaïque de ce samedi. Et nous avons eu l'occasion de communiquer sur chaque cas, pour les cas majeurs. Je dois dire que maintenant, le phénomène de kidnapping est combattu sérieusement. Et que maintenant, les cas de kidnapping ont régressé fort depuis les 3 mois. Les révélations de l'honorable ici, sur le cas de Gifugwe, je pense que ça ne figure pas dans le rapport du ministère de la Sécurité publique. Si ces révélations sont vraies, je pense que les institutions habilitées qui nous entendent doivent se mettre à l'œuvre pour pouvoir faire respecter la loi. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro, ce journal se poursuit. Les comptes du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi, STEB, en sigle, ont été débloqués par la mesure du procureur de la République de ce 23 juin 2016. Deon Zeimana, président de ce syndicat, dit être satisfait de cette mesure. Il demande à l'autorité compétente une ouverture en dialogue avec les responsables d'autres associations dont les comptes ont été fermés afin qu'elles reprennent leurs activités. Suivez Deon Zeimana, président du syndicat STEB. Nous avons accueilli cette mesure de déblocage des comptes de notre organisation syndicale avec une grande joie, avec satisfaction, pour le simple fait que nous avons eu gain de cause sans devoir recourir aux longues procédures administratives ou judiciaires. C'était au mois de décembre, nous avons été informés de la mesure de blocage de nos comptes par le parquet général de la République. Les membres du STEB ont été sidérés car personne ne connaissait la cause réelle de cette mesure. Nous avons eu des pistes qui nous ont conduits au parquet général de la République. Alors, c'est à ce niveau que nous avons pu avoir un document qui est à l'origine de la mesure de blocage de nos comptes. En fait, c'est la lettre de certaines organisations de la société civile qui a été adressée au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, portant objet responsabilité de protéger. Les comptes de votre syndicat ont été débloqués. Qu'est-ce que vous pourrez dire à l'autorité compétente pour que les comptes d'autres associations puissent être débloqués afin qu'elles puissent continuer leurs activités? Je demanderai aux autorités compétentes une ouverture en dialogue avec les associations concernées, comme ça a été le cas pour notre syndicat. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de leur adresser ma gratitude. J'inviterai aussi les responsables de ces organisations d'avoir le courage d'approcher ces autorités. Toujours est-il que, à force d'échanger et de dialoguer, une issue favorable peut être trouvée. Deon Zeimana, c'est le président du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi. Et en page économie, l'association burundaise des consommateurs a mal accueilli la dernière hausse de l'essence, passant de 1880 francs à 2000 francs le litre. Le secrétaire général et porte-parole de la Bouco indique que cette association compte approcher les autorités qui ont dans leurs attributions la gestion du carburant pour échanger sur cette hausse de l'essence. Pierre Ndouaille estime que les prix du ticket de transport et celui des marchandises ne devraient pas monter dans les mêmes proportions. Suivez Pierre Ndouaille, il a été joint au téléphone par Célestin Blaise, Ndéokoubgaïo. Nous avions observé que, après les rencontres qu'on avait eues avec les plus hautes autorités du pays, le prix devrait aller jusqu'à 1700 francs à la pompe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous disons que le consommateur burundais avait fait sa patience. Malheureusement, vous avez constaté qu'il n'y a pas beaucoup d'explications qui ont été même avancées. Plus tard, donner les modifications du prix à la pompe. Et au niveau de l'association burundaise de consommateurs, nous interrogeons fortement parce que la moindre variation sur le plan international ne devait pas du tout avoir des retombées négatives sur le consommateur, surtout qu'il avait fait une impatience qui devrait absolument être prise en compte, même si le prix sur le plan international allait être revu à la hausse. Après cette hausse, auriez-vous approché les autorités pour en parler? Oui, au niveau de la Boko, nous sommes entrés dans un ministère de marche. Malheureusement, vous constatez qu'au niveau du carburant, le produit est logé au sein du ministère et il y a ses attributions. Pourtant, c'est-à-dire justement les autorités de tutelle actuellement pourraient faire part de la situation, leur montrer comment le consommateur burundais a enduré une situation où le prix était très bas au niveau international, mais ici chez nous, le prix était resté le même, de façon que cette différence devrait être mise de côté, de façon que même si le prix allait être revu, au niveau de la Boko, nous espérions que même si ça commençait à hausser, on pouvait même attendre au moins une année. Donc nous sommes en train de préparer le dossier pour saisir les personnes concernées. Nous ne craignons pas du tout qu'il y ait une répercussion, que ce soit sur le transport ou ça soit sur le commerce des produits. Parce que d'une part, vous avez constaté que la modification est intervenue à l'essence et en ce qui concerne les produits, le transport est effectué par les gros camions qui ne consomment que le mazout. Et il en est de même pour le transport des produits sur ce plan. Nous espérons qu'il n'y aura aucun prétexte pour les transporteurs ou pour d'autres commerçants. Pierre Ndouaïo, c'est le secrétaire général et porte-parole de la Boko. Il répondait aux questions de Célestin Blaise. Ndihokubwayo, sans transition, page justice. Certaines personnes en conflit foncier en province Bubanza manifestent une rébellion ces derniers jours en refusant la mise en application des décisions du tribunal, comme le confirme le président du tribunal de grande instance de Bubanza. Il ajoute qu'il y a également des procès difficiles à mettre en exécution pour différents motifs. Et c'est un reportage signé Speskartas Kabanyana. Ces personnes qui s'opposent à la mise en application des procès jugés par le tribunal sont déjà au nombre de 4 ces derniers jours, depuis bientôt 2 mois, et ont été interpellées par le parquet pour y répondre, comme l'indique le président du tribunal de grande instance de Bubanza. Bangatuyaga Alexis précise également qu'il y a des procès difficiles à mettre en application pour diverses raisons. Il y en a à peu près 6 cas, et parmi ces cas, je peux donner l'exemple d'un dossier où on a effectué une descente à Namba, en commune Musigati. On a pu constater qu'une des parties qui était partie au procès n'était plus là. Et il y avait à peu près une 20aine de familles qui s'étaient installées là-bas, alors qu'ils n'avaient pas fait partie du procès. Il y a aussi des cas de rébellion. Vous en avez déjà enregistré dans la province? Il y a déjà 3. Parmi ces dossiers de rébellion, on a pu saisir le parquet pour qu'il puisse poursuivre ces cas de rébellion conformément à la loi. Les gens qui ont manifesté une rébellion ont donc été taxés d'une amende de 20 à 30 000 francs burundais, comme le dit le président du tribunal de grande instance de Bubanza. Merci à Speskaritas Kabanyana et de Bubanza. Rendons-nous en province Karusi pour parler de près de 300 écoliers. Leurs enseignants de l'école primaire de Karamba de la commune Buhiga en province Karusi qui n'ont pas de toilettes. Ils vont se soulager dans les bus sur place et dans les ménages avoisinant l'école. L'inspecteur provincial demande à l'administrateur communal et aux responsables de cette école de mettre les travaux de construction sur dossier sanitaire parmi les urgences lors des vacances prochaines. Blaise Pascal Kararumiye. À cette école primaire de Karamba, de la commune scolaire de Buhiga en province Karusi, et les écoliers et les enseignants font leurs besoins dans leur buisson sur place ou bien dans des ménages des environs. Des ménages dont la plupart n'ont pas de toilettes et celles existantes étant déjà délabrées, indique un des enseignants de la place. Les familles des ménages des environs de l'école se lamentent, voire les écoliers en errance d'un ménage à un autre à la recherche des toilettes. Ces familles se demandent pourquoi l'école a ouvert ses portes alors qu'il n'y avait pas de toilettes parmi les infrastructures sur place. Sylvestre Mugabo, président du collectif des associations des parents et enseignants, Tubaramure, dans la province de Karusi, et qui est aussi un enseignant de cette école, confirme l'absence des sanitaires à cette école, tant pour les écoliers qui approchent un effectif de 300 que pour les éducateurs. Il a déclaré ce samedi lors des cérémonies de la journée dédiée à l'enfant africain qui a été célébrée ce samedi à Ramsa de la commune Vuhiga au niveau de la province Karusi. Une journée qui était organisée par un responsable de la province en collaboration avec son collectif et l'ONG ActionAid. L'inspecteur provincial de l'enseignement indique que les enfants ne peuvent pas bien étudier une fois que certains de leurs droits ne sont pas garantis. Il exhorte les administrateurs communaux et les responsables des écoles concernées par le manque ou bien l'insuffisance des sanitaires des quelques écoles qui ont été citées par ce responsable du collectif, qu'il faut placer ces travaux parmi les urgences au cours des vacances prochaines. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h10 dans le studio de la radio Isanganiro, page santé, en province Ngozi, le taux d'adhésion à la carte d'assistance mutuelle CAM ne cesse de chuter dans cette province. Une des raisons est l'ignorance de la population qui n'achète la CAM qu'en cas de maladie. Au lieu de l'acquérir avant de tomber malade, cette population est également influencée par la pauvreté, comme l'indique le médecin directeur de la province sanitaire d'Ngozi. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Son taux d'adhésion à la carte d'assistance mutuelle est en dessous de 50% actuellement en province sanitaire d'Ngozi, alors qu'elle était arrivée à plus de 60% l'an passé. Et parmi la population, il y en a qui croyaient que cette carte de 3000 francs bout est de durée indéterminée, alors que sa validité, selon le médecin de la province sanitaire d'Ngozi, n'est que d'une année. L'autre raison de cette réticence est l'ignorance de la population qui n'achète cette carte qu'en cas de maladie, au lieu de faire la prévention justement en cas de maladie. Souvent, le patient n'a pas d'argent pour s'en procurer, ou la carte est n'est pas disponible au centre de santé qui lui est proche, explique Dr. Philippe Sendegay. Il ajoute aussi la pauvreté de la population. Au lieu de se procurer cette carte de 3000 francs bout, ne songe qu'à couvrir d'autres baisses, du moment que cette dernière exige aussi des frais pour les photopassports. Le médecin provincial envisage de multiplier des séances de sensibilisation de la population pour qu'elle y adhère massivement en cette période où la population de cette province a reçu de l'argent issu de la vente du café et de la bonne récolte des denrées alimentaires. Donc aussi, apprenez Muzagara, Katio, Sangani. De la province Ngozi, rendons-nous en province Gitega pour parler des commerçants du petit marché du quartier Musinzira de la commune et province Gitega qui grognent à cause de la décision prise par l'administration de les chasser sans leur montrer où aller. L'administrateur communal de Gitega, Nahimana Valentin, indique que ces commerçants ne sont pas reconnus car ils n'ont pas fait de demande officielle pour exercer leur commerce à cet endroit. Les détails avec Arthur Kavabushi. Les commerçants du petit marché du quartier Musinzira ne sont pas du tout satisfaits par la décision prise par l'administration de les chasser alors qu'ils payaient des taxes communales au quotidien. Pour eux, cette décision est de nature à leur rendre la vie difficile car cet endroit où ils travaillaient faisait vivre leur famille et actuellement, ils ne savent pas comment ils pourront continuer à vivre. Selon ces commerçants, même si on est en train de construire une route bitumée à cet endroit, l'administration devrait les laisser s'installer au bord de cette nouvelle route afin qu'ils puissent se développer. Valentin Nahimana est l'administrateur communal de Gitega. Il fait savoir que même si les commerçants payent les taxes communales, ils ont occupé cette place sans avoir demandé la permission à l'administration. Il dit qu'ils ont été chassés car les travaux de construction de la route ont débuté. Il souligne que si ces commerçants avaient demandé au préalable une permission avant l'occupation de ce terrain, ils auraient eu un autre terrain pour s'y installer. Sachez qu'il leur demande de chercher les responsables du marché central de Gitega pour leur donner des places reconnues par la loi. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isan. Voilà, à 13h14, et c'est sur cet élément d'Arthur Kavabushi que je referme ce journal. Mais je vous rappelle quelques titres. Deux enseignants de l'école fondamentale Bouguera en commune Ndava de la province Mwaro sont morts fusillés par des gens non encore identifiés dans la nuit de ce samedi vers dimanche. Et un membre du parti MSD en commune Mwanda de la province Bubanza a été enlevé il y a 3 semaines. Une annonce faite par un parlementaire indépendant élu dans cette province qui indique en outre qu'une liste de 28 personnes kidnappées serait déjà établie. La police dit n'avoir pas eu de rapport sur de tels enlèvements. Et l'association burundaise des consommateurs Abuko dit être étonnée de la dernière hausse du prix de l'essence qui en doit estimer que le prix du ticket de transport et celui des marchandises ne devrait pas monter dans les mêmes proportions. et les comptes du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi STEB ont été débloqués par la mesure du procureur de la République de ce 23 juin. Le président de ce syndicat dit avoir bien accueilli cette mesure et plaide en faveur du déblocage des comptes d'autres associations. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Albert Ndouaille pour la parfaite collaboration technique. Un bon dimanche à tous. Au revoir.